Bonjour à tout le monde, bienvenue donc en effet, Bulle de rêve pour l'émission de juillet. On ne sait pas encore si on fera des émissions en août, on verra bien. Donc on va dire que c'est la dernière de la saison pour nous accueillir. Ce n'est pas la première fois qu'on entend Edouard Artemiev et donc ce passage dans la zone, hein, dans Stalker, voilà, où on va passer dans notre zone à nous, donc dans la zone du monde du cinéma et d'animation, de petites heures avec Nicolas Tisse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Antoine Bieber. Bonjour. On aura notre envoyé spécial à Cannes, Marie-Pauline Mollaret, qui nous a envoyé un petit quelque chose, et on fait un petit coucou à Pascal Duff. Pascal Le Duf, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Pascal Duf. Duf, ça faisait c'est la marque de la bière dans les Simpsons, c'est peut-être pour ça. On va vous faire une émission avant tout musicale. On a décidé, pourtant il y a plein d'actualités, mais je crois que, et on s'en est donné à cœur joie, vous allez voir sur des morceaux de 10 minutes, vous en allez avoir quelques-uns de très longs comme ça. Donc voilà, on va plutôt se faire plaisir par rapport à ça. C'est pour souhaiter l'été, peut-être, parce que je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça. Une sélection assez mélancolique, malgré tout. En tout cas, voilà, pas de morceaux plein d'énergie chez presque aucun entre nous trois. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Entre-temps, on vous parlera quand même d'un petit retour sur le Festival d'Annecy, qui est évidemment l'un des grands moments du mois de juin. Un retour sur le PIAF, qui est donc, voilà, le festival, peut-être, certaines et certains vous connaissez, que j'ai la chance de diriger artistiquement, on va dire. Et donc, voilà, donc on va faire un petit retour. Et ce qu'on a appelé divers, une troisième partie où on parlera un petit peu de plein de choses. Ce qu'on va écouter pour l'instant, et on va enchaîner ces deux superbes voix. Je vais laisser Nicolas nous en parler. On va écouter, tu vas nous parler de cette chanteuse qui vient du Pakistan. Et après, on aura la superbe voix de Marie-Pauline Mollaret qui nous parlera du film qu'elle a vu à Cannes, donc qui est le nouveau Harry Folman, dont j'ai oublié le nom juste maintenant. C'est Anne Frank, c'est Où es-tu, non, Anne Frank, ou je ne sais plus quelle était, en tout cas c'est le nouveau Harry Folman qui a fait valser avec Bachir et nous en parlera. Mais déjà, tu vas nous parler. Donc, t'as été entre deux et j'ai choisi, j'avoue moi, celle où elle chante justement, non pas en anglais, mais en roudou. Oui, voilà. Donc une chanson de Arooj Aftab, qui est une musicienne donc née à Lahore au Pakistan et qui a déménagé à 18 ans aux États-Unis, donc elle habite maintenant à Brooklyn. Et en fait, c'est un album qui est sorti maintenant il y a un ou deux ans, qui s'appelle The Vulture Prince, qui est son deuxième album. Et qui, en fait, elle mêle pas mal dans cet album, justement, un peu de la musique folklorique, jazz, électro, etc. Et où, en fait, on a vraiment une espèce de rencontre entre le monde de la musique, un petit peu, on va dire, d'Asie centrale et une musique beaucoup plus occidentale aussi. Et en fait, elle se concentre aussi sur l'album, sur un thème plus précis. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est pas forcément particulièrement joyeux, puisque le thème qu'elle aborde dans son album, c'est surtout celui du deuil, puisque c'est un album qu'elle dédicace à son frère qui est mort pendant juste avant l'enregistrement de cet album. Mais il y a énormément de chansons justement qui rappellent un petit peu son frère et qui sont marquées par une forme de douceur aussi et de nostalgie malgré tout. Et on retrouve un petit peu dans cet album pas mal de choses, enfin un peu un certain minimalisme oriental, on va dire. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez minimaliste. Et là c'est un petit peu la pièce centrale de l'album que donc on a choisi, puisque j'avais proposé deux chansons et tu as préféré celle-là, qui s'appelle Mohabbat. Et Mohabbat, c'est un ghazal. Alors, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais un ghazal, c'est un poème d'amour à l'origine, qui a été écrit par Hafez Hoshiarpuri. Et Hafez Hoshiarpuri, c'est un poète pakistanais du début du XXe siècle et qui a écrit pas mal justement de poètes. C'est un grand poète, même s'il n'est pas très connu ici. Et en fait, elle a transformé un petit peu ce poème dans une espèce d'exploration de la douleur de la séparation, justement, et donc vraiment dans quelque chose qu'on peut relier justement à la douleur de la perte de ce qu'elle ressent après la perte de son frère. Et donc on a quelque chose qui est à la fois vraiment doux, et elle a une très belle voix assez grave justement, qui exprime un petit peu de manière non pas particulièrement plaintif, mais il y a quelque chose quand même d'une forme de douleur et de douceur qui transparaît dans ce morceau. Donc bon, ben, je vous laisse pour éviter d'en parler trop longtemps. Très très belle. Ouais, merci de cette découverte et on enchaînera sur donc cette très belle voix de Marie-Pauline Mollaret aussi. Donc où est Anne Frank qui nous parlera de Dernier Riffleman. Ariel, on écoute donc ces deux pistes. Come te fagan mil bija agar tu te fagan Bonjour à toutes et à tous. Je suis déçue de ne pas être avec vous pour cette dernière de la saison, mais je suis quand même là par la magie des ondes pour vous parler en direct du Festival de Cannes. Alors, autant vous le dire tout de suite, à Cannes, on ne croule pas spécialement sous les propositions de films d'animation, mais quand même, on a vu hier le premier long-métrage présenté hors compétition, mais en sélection officielle, et il s'agit du film « Où est Anne Frank » d'Harry Folman. Donc Harry Folman, il avait fait sensation sur la croisette il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec « Valse avec Bachir », et là, il est de retour avec cette adaptation du journal d'Anne Frank. C'est un film qu'on attendait énormément, qui a beaucoup évolué au fil du temps. Et malheureusement, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup déçue. En fait, j'ai eu l'impression de voir une sorte de gloubi-boulga cinématographique dans lequel il fallait mettre un petit peu de Shoah, un petit peu de réfugiés, un petit peu d'aventure, parce que c'est un film pour les enfants, donc il y a des courses-poursuites et une histoire d'amour également. Enfin voilà, c'est un film qui mélange tout, qui veut dire beaucoup trop de choses et qui ne parvient pas à fonctionner, parce que j'arrive pas à me souvenir quand j'ai lu le journal d'Anne Frank pour la première fois. Je pense que j'étais assez jeune, c'est un livre que j'ai lu énormément, et là j'ai vraiment l'impression d'une trahison en fait de ce journal. Alors pas de son esprit, parce que Harry Folman évidemment comprend très bien le message d'Anne Frank et son idée de le réactualiser en demandant où est Anne Frank aujourd'hui et quel combat elle mènerait et quel combat elle nous évoque aujourd'hui, évidemment, en faisant un parallèle avec la situation des réfugiés, est tout à fait juste. Par contre, la manière dont c'est fait, cette espèce d'aller-retour permanent entre le passé et le présent, vient gâcher ce message. D'autant que c'est très très systématique, à chaque fois c'est avec les mêmes images qui nous emmènent dans le journal et qui nous font une petite flashback nous racontant un épisode du journal. Surtout que ce sont des épisodes, moi j'ai trouvé, qui étaient choisis, enfin je ne sais pas sur quelle base, ce sont souvent des trucs un peu anecdotiques, on a l'impression d'Anne que c'est un personnage assez superficiel, un peu capricieux, un peu prétentieux, enfin elle nous apparaît de manière pas très sympathique, et là encore une fois ça colle pas du tout moi avec l'image que j'ai d'elle en lisant son journal, où évidemment c'est une très jeune fille qui s'exprime, mais il y a une forme de naïveté, mais il y a aussi parfois une forme de profondeur, enfin elle vit des choses incroyables, elle s'en rend compte, elle les raconte avec beaucoup de force, et là c'est réduit à une sorte de ligne très très faible dans le film, son expérience, son ressenti, c'est vraiment juste des petits flashs comme ça, et finalement on se concentre beaucoup plus sur notre époque actuelle, donc avec le prétexte de Kitty, l'amie imaginaire qui sort du journal et qui découvre le 21e siècle. Il y a des incohérences au niveau du scénario, il y a des traits extrêmement grossiers, encore une fois, sur voilà, les rencontres qu'elle fait, le fil qu'elle suit. Elle pense jamais, par exemple, à demander, tiens, mais au fait, on est en quelle époque? Pourquoi Anne n'est plus là? Elle ne sait pas, mais elle demande pas, elle se rend pas compte, en fait, que tout a changé, que voilà. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez décevantes. Et je pense qu'on pouvait faire mieux, avec cette idée qui était encore une fois vraiment une belle idée de cinéma au départ. Visuellement, alors les personnages sont assez moches, comme vous pouvez le voir en regardant les bandes-annonces, avec ce côté cartoon, des grands yeux, les visages sont énormes, enfin il y a un truc comme ça qui est encore une fois qui semble assez mainstream, qui a été fait pour plaire, enfin l'idée qu'on se fait de ce qui peut plaire au plus grand nombre. Par contre, il y a des très très beaux décors, il y a des séquences imaginaires, là il faut reconnaître que c'est vraiment très beau. Notamment une séquence de train qui va vers le soleil couchant dans les montagnes, c'est magnifique, donc il y a quand même un travail visuel qui fonctionne super bien sur toutes ces séquences imaginaires qui sont les plus belles séquences du film finalement, puisque là on est vraiment avec Anne Frank, on est dans son imagination débordante, dans cette résilience de comment lutter face à la situation qu'elle subit. Et ces séquences-là marchent vraiment très bien, contrairement au reste, comme je vous le disais avant. Voilà, alors maintenant, on attend de découvrir encore deux longs métrages d'animation, à savoir Belle de Mamoru Hosada et ensuite Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler bientôt. Voilà, c'était Marie-Pauline en direct de Cannes. Bon, super, vous êtes toujours sur Bulle de Rêve. Et on a en effet, voilà, donc notre journaliste en direct, hein, presque. On voulait faire presque en direct là au micro, puis on s'est dit que c'était plus facile quand même qu'elle enregistre. Donc elle enchaîne dans la salle de Bussy. Nicolas disait que c'était la grande salle de la Certain Regard. C'est ça, voilà, c'est la deuxième salle du festival et c'est à mon avis la meilleure d'un point de vue acoustique. Donc voilà, le son était bon et Marie-Pauline, on en a parlé un tout petit peu après pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'elle disait, elle l'a fait à chaud, elle disait qu'elle trouvait que c'était dommage que tous ces grands sujets si importants, évidemment, elle en parle un petit peu comme la Shoah par exemple et puis plein d'autres sujets soient traités de manière un peu pédagogique et un côté un peu très pour les enfants, il faut absolument mais faire très peu, c'est-à-dire qu'on raconte voilà, 5 minutes de ceci, 5 minutes de cela et je pense qu'elle était un tout petit peu déçue. Est-ce qu'Harry Fullman n'est le réalisateur que d'un seul film, Valse avec Bachir? Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le congrès, donc on va voir. Mais en tout cas, j'ai pas encore vu ces films d'avant, Valse avec Bachir. Mais c'est quand même une question qu'on pourra se poser sûrement au moment où le film va sortir. Allez, on fait une coupure musicale. On vous a dit que c'était plein de musique aujourd'hui, qu'on va faire d'abord une coupure musicale. On va passer deux reprises étonnantes. Je vais laisser Antoine parler de la première, Army Dreamer. Bah c'est Army Dreamer, c'est une reprise de Vincent Perani et Émile Parisien, c'est un duo de jazz que j'adore, alors qu'ils travaillent beaucoup ensemble depuis très très longtemps, je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils se sont rencontrés, ils jouent dans leurs formations respectives, donc ils ont tous les deux un quintet, voilà, et ils jouent dans diverses formations à côté ensemble, et ça fait plusieurs fois qu'ils font des albums de duo, et le dernier album qu'ils ont sorti s'appelle Abrazo, qui est beaucoup autour du tango, enfin je vous le conseille, et donc c'est un duo Vincent Perani est accordéoniste et Émile Parisien c'est un saxophone ténor soprane. Et voilà, et donc c'est le tout dernier morceau d'album, et c'est un morceau que j'aime beaucoup parce que vous allez voir, il y a un duo et un dialogue entre les deux instruments, et puis en fait, à la fin, il reste que l'accordéon. Et je pense que c'est Émile Parisien, mais qui claque juste des doigts, et je trouve ça très beau cette fin d'album, juste avec un duo un peu plus léger, voilà, qui finit tout en douceur. Et donc, c'est une reprise d'une chanson de Kate Bush. Exact. Sublime Kate Bush, Army Dreamer. Et on écoutera juste après, allez, oui, on l'a déjà écouté la dernière fois, mais j'aime beaucoup cette reprise de quelqu'un que je connaissais pas du tout, enfin, que je connaissais le nom, Drake. Chanteur, voilà, plutôt. Enfin, voilà. Et la chanson s'appelle Tootsie Slide et le chanteur, le groupe, s'appelle Scar. On l'a déjà entendu, mais c'est une cover que j'aime beaucoup et voilà, qui fonctionne très très bien. Donc, on écoute ces deux reprises un peu particulières de deux chansons bien différentes. On écoute. Thank you. Let a glove, no sequin, buckles on a jacket, it's a leech, Nike crossbody, got a piece in it, got a dance, but it's really on some street shit, I'ma show you how to get it, it go right foot up, left foot slide up, left foot up, right foot slide, basically I'm saying, you know, way we bout to slide, get it this from slide, get it, it go right foot up, left foot slide up, slide. Basically, I'm saying, you know, way we bout to slide. Get it, this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you that passion. It's a trill in the trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we already have everything with it. I'ma show you how to get it. Go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying, get away, we bout to slide. Can't let this one slide. I'ma show you how to get it. Go right foot up, left foot slide up. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying, get away, we bout to slide. Can't let this one slide. De rêve, donc cette émission quasiment musicale, mais on va quand même parler de petites choses. Et donc, d'Annecy, alors moi je vais commencer, on va laisser Nicolas, puisque c'était le seul autour de la table qui était présent, nous en parler. Moi je vais, je sais pas avec Antoine, mais je sais que moi j'ai un peu loupé Annecy, peut-être qu'il y avait le besoin, l'envie. Je vous parlerai de Zagreb un peu, où moi j'étais, d'être dans un festival réellement. Donc n'étant pas, j'ai regardé sur internet, j'ai vu des petites choses qui m'ont intéressé, mais ça va être assez rapide de mon côté, parce que je pense que la sélection courte, par exemple, m'a pas du tout intéressé. Il y a très peu de choses. J'ai beaucoup aimé Opéra d'Eric Ohm, et que j'avais déjà vu, que j'avais la chance d'avoir déjà vu sur grand écran. Je pense que sur ce petit écran, ça aurait été vraiment dur. J'ai bien aimé Unanswered Telephone, mais dont je me souviens plus bien. C'est un film coréen, mi-coréen, mi République tchèque, mais je serais incapable de bien vous en parler. Je sais que sur le coup, il m'avait un peu plu. Et en fait, c'est peut-être pas surprenant. J'ai loupé, je sais qu'il nous en parlera, Nicolas, absolument tout ce qui est off. Parce que même si j'essaie de le regarder sur un petit écran, je n'étais pas du tout dans le mood par rapport à ça. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, mais comme d'habitude, mais sans aucun film qui en ressorte beaucoup, la sélection étude, parce que je trouve qu'elle est plus libre. Il y a une vraie liberté. Alors, Marie-Pauline Mollaret, c'est pas parce que Marie-Pauline Mollaret est l'une des deux personnes binômes hein, de la sélection, mais vraiment, c'est ça. Mais pareil, je n'ai pas de film qui ressorte réellement. Par contre, ce plaisir de la liberté qu'il y a et de passer... peut-être qu'Antoine nous parlera de film Bad Pudding qui commençait en effet. Et donc, cette espèce de délire qu'il y a. Et puis après, on va passer par un film du Frénois, on va passer par un film plus classique. Et ça, c'est un vrai bonheur qu'il n'y a pas du tout dans la compétition pro, qui, je trouve, est très pépère, va pas très loin avec des jolis films, hein, les chiots, les films comme ça, mais finalement, qui ont un peu de mal. Et donc, j'arrête très, très rapidement. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de voir deux documentaires. Souvent on les voit pas quand on est à Annecy parce qu'on n'a pas le temps, et là j'ai pu les voir quand j'étais chez moi. Un sur Mustapha Alassane, puisque l'Afrique était à l'honneur et montrait la difficulté et à la fois côté opiniâtre, enfin étonnant, un vrai personnage. Mustapha Alassane est mort il y a 2-3 ans maintenant, et voilà, c'est un vrai beau témoignage sur qui il était. Et peut-être le plus beau documentaire, un documentaire étonnant, parce que c'est rare les documentaires qui montrent toutes les facettes des choses, c'est Clay Dream, qui est un documentaire sur Will Winton. Et c'est un documentaire fascinant parce que c'est un documentaire qui montre tout, qui montre à quel point Will Winton n'était pas si simple que ça, mais qui montre Phil Knight, donc qui est celui qui a fait Nike, hein, qui est le créateur de Nike, qui a racheté cette société, qui est devenu Leica, voir comment il a fait devenir ça, comment, et de voir tous les intérêts, tous les jeux d'intérêt. C'est un documentaire fascinant parce que c'est pas un documentaire qui forcément prend parti complètement pour Will Winton, même si à la fin c'est très émouvant, parce que donc il est décédé, il y a pareil lui aussi, il y a 2-3 ans, et on le voit en salle de, pas de réanimation, mais quasiment, enfin, etc. Donc il y a des très très moments très touchants à la fin. Mais voilà, ce documentaire est très étonnant parce qu'il montre aussi que l'animation, quand il y a de l'argent, peut être un monde aussi terrible, horrible que le reste. Et donc voilà, mais moi, je ne sais pas toi Antoine, avant que Nicolas peut-être nous parle, moi j'ai un peu loupé en tout cas pour moi le festival d'Annecy cette année. Moi ça va être un peu la même chose, alors c'est pour des raisons aussi personnelles d'avoir moins de temps cette année et de ne pas pouvoir m'y déplacer, mais du coup effectivement je suis passé, je pense... Enfin, j'ai regardé quelques films que j'attendais en sélection pro, mais globalement, je suis quand même bien passé à côté. J'ai regardé la sélection étudiante, mais aussi parce qu'il fallait faire des choix, et que vu comment ça s'était passé l'année dernière, moi, ça reste la sélection qui m'enthousiasme le plus, parce qu'effectivement, comme tu le disais, même s'il n'y a pas forcément de films qui en ressortent de façon très très marquante, j'ai moins le sentiment d'ennui que je pouvais avoir en séance pro sur certains films. J'ai vraiment l'impression d'être face à chaque fois des vraies propositions, et ça fait du bien en fait. Il y a une fraîcheur que j'apprécie, donc j'ai regardé toute la sélection étudiante pour cette raison-là. Mais effectivement, après le reste, je suis allé récupérer en film jeunesse Kiko, avec lequel j'ai eu du mal, et le film d'Éric Monchaud aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. Un caillou dans la chaussure, mais où je trouve que ça se répète vachement avec, malheureusement, avec La petite casserole d'Anatole, que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai l'impression de revoir utiliser un petit peu les mêmes procédés. C'est très chouette pour des enfants qui découvrent son cinéma, mais effectivement, ça m'a moins surpris et enthousiasmé. J'ai un peu cette impression-là sur les films pro que j'attendais, notamment le Joanna Quinn, qui pour moi... Bref, voilà, j'ai un plaisir à retrouver son cinéma, mais je suis pas transporté par le film. Et pareil que toi, j'aime beaucoup Opéra d'Eric Ohm. Malheureusement, moi, je n'ai vu que sur petit écran, et que j'espère voir très vite sur grand écran. Mais sinon, j'ai pas de film particulièrement qui ressort de cette année. Alors, après ce côté mitigé de nous deux, Nicolas, toi, t'y étais? Alors oui, moi j'y étais, et justement, je pense que ça fait déjà une grande différence pour une raison toute simple, c'est-à-dire que vraiment, l'année dernière, moi aussi, j'avais raté le festival, j'avais eu du mal en version online à voir les films, à regarder les films, à écrire sur les films. J'avais vu à peine la compétition pro normale et le reste, je l'avais complètement abandonné. Cette année, le fait d'y être allé, ça m'a permis de retrouver vraiment l'ambiance du festival, et c'est vrai qu'un festival sans être sur place, c'est quand même très différent, c'est juste du streaming online et c'est pas forcément ce qui est de plus intéressant, et c'est très facile de tout rater quand on est justement chez soi. Donc le fait d'y être a permis quand même de retrouver des marques et c'était quand même bien agréable, surtout que cette année, alors on était dans une version assez light et assez étonnante du festival, puisque on a eu, alors il y a deux ans, il y a eu plus de 12 500 accrédités, donc en 2019 pour le festival. Cette année, on était à 4000 sur place et 4000 online, donc trois fois moins de personnes. Et il faisait très chaud, très beau. C'était quand même très agréable. On a quand même vu pas mal de films, mais on a aussi pu profiter de retrouver les gens qui étaient là. C'était quand même pas mal de gens, c'était des gens qu'on n'avait pas vus depuis un an, deux ans, etc. Et donc rien que cette dimension-là était quand même vraiment très très bien. C'était aussi toujours tellement agréable de voir justement ces films, ces courts-métrages qu'on voit en général sur un petit écran, mais là sur le grand écran, notamment dans la salle de Bonlieu, qui est un écran immense et avec des conditions de projection qui sont vraiment très intéressantes. Donc ça, franchement, c'était très appréciable aussi. Et c'est quand même, c'est le point fort du festival, on va dire. Dans les choses un petit peu plus dérangeantes, la chose qui m'a quand même le plus embêté, c'est de voir que, alors déjà que pour moi, le court-métrage a une place qui est, on a l'impression, qui est de moins en moins importante dans le festival d'Annecy, alors que normalement, ça devrait être le cœur du festival d'Annecy. Là, j'ai l'impression que même s'il restait des éléments symboliques, les éléments symboliques partent petit à petit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins cette année, on a terminé le palmarès sur le court. Ça, c'est pas mal, contrairement à il y a deux ans. Mais par contre, voir la compétition officielle court-métrage passer de 14h à 11h30, c'est-à-dire à un moment où les gens commencent à avoir faim et partent manger, c'est quand même assez triste, d'autant plus que les séances officielles aussi des films de fin d'études étaient à midi, ça veut dire qu'on ne pouvait pas enchaîner, contrairement à avant, sur la compétition pro et la compétition étudiante. Et ça, c'est quand même particulièrement dommage. Est-ce que tu sais si c'est lié au Covid, à tout ce qui se passe, ou malheureusement... Disons qu'on verra l'année prochaine. Ouais. Mais j'ai un peu peur par rapport à la séance pro quand même à 11h30 au lieu de 14h. Et là, s'il y a une ou deux séances qui étaient relativement pleines, il y en a une ou deux qui étaient particulièrement vides. Et ça, c'est quand même assez triste, justement. Alors qu'à 14h, on avait toujours du public pour les courts-métrages et les courts-métrages qui avaient une véritable visibilité. Ici, il y en avait un peu moins. C'est un peu dommage. Par contre, un point positif, c'est que les courts-métrages de fin d'études, eux, apparemment, d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu aussi en allant les voir, c'était les séances quasiment les plus pleines. Les étudiants vont toujours voir les films d'étudiants, et pas que les étudiants, d'ailleurs, qui vont voir les films de fin d'études. Mais donc, les séances étaient pleines. Enfin, quand je dis pleines, on avait quand même la jauge à 65%, donc on va dire à 65% pleines, mais les salles étaient vraiment bien remplies, ce qui était quand même particulièrement agréable. Surtout que la compétition était aussi très intéressante pour les films de fin d'études. Et globalement, alors j'ai vu deux programmes de fin d'études seulement et j'ai trouvé vraiment très très fort les uns avec les autres, avec notamment certains films. Alors j'ai pas vu tous les films malheureusement du palmarès, mais il y a quand même certains films qui étaient particulièrement intéressants. Alors personnellement, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, j'avais beaucoup aimé un film qui s'appelle Eyes and Horns de Cherin Im, qui a fait, je crois, son film à CalArts, et même s'il était produit ou coproduit, c'est pour ça que je me suis posé la question par rapport à ça, par Fabien Enfred, qui est normalement un producteur de court-métrage pro, et qui là, donc, a participé à la production de Eyes and Horns, qui est vraiment un exercice extrêmement dynamique et autour de la métamorphose inspirée par Picasso, autour du taureau, justement, qui est assez, qui moi m'a assez impressionné surtout sur le contexte. Du Minotaur, voilà. Ouais, du Minotaur, voilà. Je cherchais le mot, désolé, voilà. Et donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était un film qui était très fort et pareil pour alors un film qui vient de l'ENSAT qui s'appelle La confiture des papillons de Shiyan Huang qui évoque justement la relation à son père et à ses animaux justement de manière assez intéressante, c'est-à-dire que elle anime essentiellement des espaces et des objets et elle enlève, elle met un petit peu sur le côté tout ce qui est personnage, contrairement à pas mal d'autres films. Et je trouve que ce décalage donne quelque chose d'un petit peu fantomatique aussi, qui est assez intéressant, justement. Donc, voilà. Le film préféré, Théodore Huchef. Oui, ce que j'avais cru voilà, comprendre. Voilà, c'était aussi. Juste. Et par contre, la compétition courte, alors la compétition courte, j'étais un petit peu mitigé. Alors je trouve qu'il y a quand même des films particulièrement intéressants et vraiment très très bons, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté presque dedans. Peut-être contrairement à des... Alors ça, t'en parleras peut-être mieux Alexis, par exemple, par rapport à Zagreb. Quand je regarde la compétition de Zagreb, j'ai l'impression qu'en fait, elle est vraiment liée à Daniel Osulik, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, qui est vraiment là de, à essayer d'imposer sa ligne directrice. Et là, j'ai l'impression qu'il y a presque une volonté de plaire à peu près à tout le monde et donc de piocher un petit peu partout, et ce qui fait que finalement elle a l'air un peu moins homogène et à avoir justement autant des films très forts et des films qui paraissent un petit peu plus faibles aussi, ou alors qui me paraissent un petit peu plus faibles mais qui plairont peut-être à d'autres. Mais voilà, on a quand même cette volonté de vouloir plaire au plus grand nombre et finalement on s'y retrouve pas complètement, même si personnellement j'ai par exemple énormément aimé un film canadien de Zacharias Kounouk qui n'est pas du tout un cinéaste d'animation qui s'appelle, alors pour prononcer le nom, c'est Angakuksa Djoduk, quelque chose comme ça, désolé pour la prononciation, mais voilà. Et qui est un film là particulièrement narratif et qui raconte vraiment un conte inspiré vraiment d'un côté réalisme magique que j'ai trouvé vraiment très beau et très réussi. J'ai trouvé très chiant, mais bon. Voilà. Non, mais je pense que alors là, le grand écran doit aussi beaucoup jouer parce que 20 minutes. En volume, et ça a l'air très beau, ça a l'air et 20 minutes sur son petit écran à attendre et à se dire, j'ai vu 25 000 fois ce passage entre un chaman, entre une vieille chamane et un jeune chaman, etc. J'ai vu, etc. Et c'est vrai que d'un seul coup, alors que sur un écran, j'imagine, avec un bon son... Je pense qu'on était vraiment complètement pris dans l'histoire. Et c'est vrai que le côté stop motion est parfait pour cet aspect aussi réalisme magique du film, avec la descente justement dans, je dirais pas les enfers, mais justement dans ce côté où on va essayer de retrouver la source de la maladie d'un homme justement pour un chaman. J'ai beaucoup aimé aussi un film qui s'appelle Box Ballet d'Anton Diakov, qui était assez surprenant parce que finalement c'est un film qui est assez simple, qui parle d'une danseuse très fluide, toute filiforme et d'une espèce de grosse masse un peu caricaturale du boxeur, et où en fait on s'attend à des passages extrêmement chorégraphiques et finalement pas beaucoup. C'est un film qui joue justement sur la différence de mouvement, qui est très drôle et très amusant et assez frais aussi. Il y avait le nouveau film de Georges Fitzgibbon, donc Le journal de Darwin. Ce qui est intéressant avec Fitzgibbon, c'est qu'il fait toujours un peu la même chose, on a toujours l'impression qu'il se renouvelle et qu'il donne quelque chose de particulièrement beau ici aussi, donc en reprenant un élément justement de ce journal de Darwin et en repartant dans des souvenirs, des passages un petit peu historiques et en jouant sur les formes de l'écran et sur les cadres, etc. aussi. J'ai beaucoup aimé un film qui est passé un peu inaperçu, qui était particulièrement marquant au niveau atmosphérique notamment, qui s'appelle Danny's Gone de Pere Ginard, donc film espagnol d'horreur assez, assez étrange. On se demande où est-ce qu'on arrive, on se demande ce qu'on voit véritablement, mais ça passe très bien d'un point de vue émotionnel. Alors, je suis pas le plus grand fan des films du palmarès, donc j'en parlerai peu. Mais par contre, j'aime bien aussi Le Monde en Soi de Sandrine Sonyaneff et Jean-Charles Fink, qui est un film qui a un peu divisé et donc les gens en ont pas mal parlé. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est un film qui parle d'une femme qui est peintre et qui sombre peu à peu dans un état, on va dire, de burn-out et qui finit dans un hôpital psychiatrique avec quelque chose d'extrêmement coloré dans une première partie et une deuxième partie beaucoup plus sobre en noir et blanc, avec justement ce rapport à la couleur un peu différent. J'avoue que j'aime énormément tous les passages essentiellement en noir et blanc. Beaucoup plus que le... J'aurais aimé qu'il y en ait quasiment plus, justement, par rapport à ce monde qui devient fou à travers, justement, la couleur. Et puis donc, bon, par rapport à ça, il y a d'autres films, ben, Sous la peau l'écorce, Le retour de Franck Dion, qui était aussi un film particulièrement intéressant, que j'ai préféré largement à son précédent film aussi, où là il évoque son propre rapport à lui-même, son propre rapport à l'art, à la conception de l'art, avec notamment les voix de Didier Brunner, notamment, qui était assez surprenante au téléphone. J'espère que celui-là repassera aussi, parce que c'est un film qui mérite vraiment le coup et qui mérite d'être vu sur grand écran aussi. Oui, bien, vrai changement dans le travail de Franck Dion, où d'un seul coup il se pose plus des questions sur, en effet, comme tu dis, l'artiste, et voilà, avec quasiment deux parties, un peu comme dans Monsieur Coq d'ailleurs, où on a vraiment deux parties presque différentes, comme c'est coupé en effet. C'était ça. Et voilà, produit aussi, autoproduit, on en parlait peut-être un peu pour le Piaf, de plus en plus de films autoproduits. Et par contre, évidemment, la meilleure, enfin pour moi, la sélection que j'ai préférée cette année, ça reste la Off Limit. Et c'est vrai que la Off Limit était très très forte et très très très bien, vraiment. Avec notamment, on en a déjà parlé ici, je pense, le film Malbec d'Ismaël Geoffroy Chandoutis, qui est vraiment une grande réussite pour moi aussi. Je sais que Antoine, toi aussi. C'est un des films qui m'a marqué quand même là dans ceux que j'ai vus. Je pense que c'est celui. On en a discuté déjà un peu avec Marie-Pauline et Alexis. Oui, et moi je suis un peu moins que vous. Voilà, qui sont peut-être moins enthousiastes, et je comprends la critique qui peut lui être faite d'être un peu... Enfin, de mobiliser une musique, une mise en scène qui est très... qui appuie déjà un événement qui est un attentat dans le métro de Bruxelles, et donc il y a un événement qui a déjà une charge forte en émotion, et donc qui est effectivement appuyée par le dispositif. Mais moi, c'est un film qui, je pense que c'est un des rares films là, de la sélection que j'ai vu, qui me reste plusieurs jours après, et qui me marque dans le procédé de mise en scène, qui est des longs travelling dans les espaces du métro. Et qui est aussi un peu, puisqu'on parlait de Vassal avec Bachir, cette idée de mémoire, cette idée après un traumatisme, quelqu'un qui a perdu la mémoire, qui ne se souvient pas, et qui essaie de se rappeler un petit peu en demandant à des gens, on est vraiment un peu comme dans Vassal avec Bachir, en interrogeant des gens, de se dire qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui finalement s'est passé. Donc, constitution. Il y a un vrai rapport, une réflexion autour de l'image et des différents régimes d'image, et notamment très contemporaine justement. Et pour moi, ce qui m'a marqué aussi avec cette sélection, avec ce film et deux autres films du lot, c'est qu'on a l'impression d'une forme un peu de pointillisme par moment, c'est-à-dire c'est un film qui va réfléchir sur le point, sur le pixel quasiment, et sur la construction et la déconstruction de l'image en tant que. C'est quelque chose qu'on voyait de manière un peu différente, mais qu'on percevait dans le nouveau film de Patrick Bokanowski qui était en sélection, qui s'appelle Humdrum, où là on avait des espèces. Alors, c'était toujours un artiste qui réfléchissait justement à son art, là aussi en version numérique, et avec des espèces de feux d'artifice derrière qui se déclinaient en des milliers de points colorés justement à l'arrière-plan, ce qui était assez surprenant, et quelque chose qu'on voit sur un des films qui est pour moi aussi l'un des plus beaux de la sélection, et surtout sur grand écran, qui est vraiment splendide, qui s'appelle There Must Be Some Kind of Way Out of Here, de Rainer Kohlberger, film autrichien d'un grand cinéaste expérimental aussi, où il reprend pas mal de séquences qu'on reconnaît petit à petit. Quand on arrive dans le film, on se demande vraiment ce qu'on voit, et petit à petit on voit qu'il a repris pas mal de séquences de films catastrophes, et de tout type de films catastrophes, de blockbusters hollywoodiens, et qu'il a réduit à quelques points sur un fond noir, et en fait on perçoit des formes qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, etc., dont il reste pas grand chose, et qui finissent par disparaître là aussi dans une espèce de nuage de brouillard de points. On a vraiment cette impression d'images qui se forment, qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est quelque chose d'assez particulier. Et on a eu aussi trois films profondément féministes, ou alors en tout cas très politiques aussi dans la sélection, qui étaient eux aussi particulièrement intéressants, d'autant plus qu'ils se répondent, qu'ils sont très complémentaires, mais qui se répètent pas nécessairement pour moi. Alors, je sais pas si vous les avez vus. Oui, avec des choses absolument passionnantes, notamment sur, comme toujours aussi, et qui est important, redécrypter les vieilles images, on va dire, pour finalement dire ce que les femmes ont vécu, en tout cas comment elles ont été malheureusement perçues, décrites pendant tant d'années. Surtout dans Cause of Death de Mystery, justement, film d'Afrique du Sud. Très, très, très dur par rapport à ça. Je sais que tu voulais parler de long métrage, mais on ne va pas avoir le temps, si tu fais. Ou peut-être qu'on en parlera à la fin, si on a un peu de temps. Mais comme ça, on n'aura parlé que du court. Comme quoi, finalement, c'est pas mal aussi. Et pourquoi ? Parce que on a choisi des longs morceaux, et que si on veut faire là ce pont, il faut absolument, on est bien en retard. passer ces deux prochains morceaux qui sont Réminiscence, c'est Antoine, et Quintessence, Nicolas. Je vais vous demander de les présenter assez rapidement, qu'on soit un petit peu et qu'on écoute ces deux morceaux de 10 minutes. Moi, Réminiscence, c'est ma découverte de ces derniers mois en musique électronique. C'est une compositrice qui s'appelle Hélène Vogelsinger, qui fait de la musique de film aussi. Et voilà, vous allez entendre. Et juste quand même, c'est intéressant, elle va dans des lieux. Et elle va, oui, c'est elle ça va, qui est beau, elle enregistre. Alors, tout l'album là a été enregistré dans des lieux abandonnés. Voilà, le lieu est important pour elle. Nicolas, Quintessence. Alors, pour Quintessence, pour moi, c'est plutôt une redécouverte, les retrouvailles avec Markéta Jirglová, qui est une chanteuse, compositrice tchèque, et qui est connue pour avoir remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour une comédie musicale il y a une douzaine d'années qui s'appelait Once, et qui était vraiment très belle. Et puis ensuite, elle avait un peu disparu des radars, j'en avais plus trop entendu parler. C'est vraiment une chanteuse folk. Et depuis 2015, elle vit avec donc son mari qui est ingénieur son en Islande. Et elle est très influencée justement dans Quintessence par tout le rapport à la nature, le rapport au monde, au paysage. C'est une chanson aussi qui est une chanson du confinement, c'est-à-dire qu'elle a vraiment écrite pendant le confinement par rapport à ça, où elle raconte des retrouvailles avec la nature, et elle est interprétée par une autre grande chanteuse qui s'appelle Emiliana Torrini, donc islandaise d'origine italienne aussi, qui est assez versée dans le trip-hop et les musiques un peu électroniques, folk aussi, et qui est Emiliana Torrini, pour ceux qui la connaissent pas trop, elle est connue pour avoir chanté la chanson de Gollum dans Seigneur des Anneaux, mais elle a quand même fait d'autres chansons qui sont... Je savais même pas, je la connais. Écoutez, son premier album est absolument magnifique. Voilà. Allez, Ariel, on écoute donc ces deux morceaux, 20 minutes. Vous allez voir, magnifiques, deux superbes morceaux. On écoute. Thank you. a king and daughter. Can you hear their songs echo across the water? They sing of times long past, when the world was quiet. There's a pyramid in each end. Eh ben voilà, Bulle de rêve, j'espère que voilà, ces 20 minutes vous ont beaucoup plu, en tout cas, de deux morceaux magnifiques. On pourrait presque faire une émission musicale, hein, ce serait pas mal. Avant de repartir, on va parler un petit peu. Alors, c'est un peu gênant pour moi d'en parler en premier, je ne vais pas en parler en premier, je ne sais pas, étant évidemment impliqué énormément. Toi aussi, d'ailleurs, tu es un peu impliqué dans le PIAF. Est-ce que donc, le PIAF, qui était ce festival, donc, que j'ai la chance, grand plaisir de directeur artistique, et qui a eu lieu le week-end dernier, qui s'est terminé le week-end dernier, dans le superbe cinéma, ça je peux le dire, en tout cas, moi, des Ursulines, c'est un cinéma que j'adore, et donc voilà, et juste. Enfin voilà, on est à Radio Libertaire et il faut passer. Il y a plein de combats, mais le combat, je le redis, de l'artisanat et de l'indépendance sera sûrement l'un des combats aussi les plus importants. Les pauvres, on le sait, hein, nous, contre les riches, mais c'est vraiment important. Donc les petits cinémas comme ça contre les gros cinémas, c'est vraiment un combat qui est très, très important. Amener. Alors moi c'est compliqué, donc Antoine. En fait, moi effectivement, je vais pas forcément beaucoup. T'as fait la fiche, t'as fait le visuel. Voilà, j'ai fait des choses pour le festival, mais il y a des choses que j'ai pas faites, notamment la sélection, et donc je me dis que j'ai une petite légitimité quand même pour en parler. Que tu peux la critiquer en effet. Et c'était encore une fois, enfin bon, on se connaît et je te le dis déjà, mais c'est une sélection que je trouve chaque année assez réussie, et notamment parce que. Elle va mettre en avant des auteurs, pas forcément justement les rockstars de l'anime, et là encore c'est une édition qui confirme ça, parce qu'on a quand même pas mal de premiers films, on a en tout cas en pro et dans d'autres sélections. C'est aussi une sélection où tu fais une sélection qui s'appelle Horizon, que je trouve très intéressante, enfin que j'ai trouvé très intéressante cette année. C'était la première fois que je pouvais y assister, avec notamment dedans un film qui s'appelle Abandoned Village de Mariam Kapanadze. Voilà, qui est un long film en plan fixe, qui je suis ravi de l'avoir découvert en salle et de ne pas l'avoir vu justement à Annecy, puisqu'il était sélectionné en hors compétition, mais parce que c'est un film qui nous prend pendant 15 minutes et qui nous happe dans une ambiance, dans un paysage qui bouge pas, enfin qui bouge très peu, qui est dans un changement très lent. Et qui est très beau pour sa proposition très très forte. Voilà, et dans cette sélection, il y a aussi un autre film dont je voulais parler, qui est The Fourfold, je ne sais pas si je le prononce bien, d'Alice Tellengut, a priori, Tellengut. Tout à fait, pardon. Donc il y a un film qui est certes coproduit par l'ONF, mais qui est vulgaire. Qui est aidé par l'ONF, voilà, surtout, on va dire. Voilà. Ils aident beaucoup tout ce qui est indépendant et tout ce qui est donc peuple premier, voilà. Du Canada. Et voilà, qui est un film aussi très très fort, trop dans la sensation, et pareil, que je suis ravi d'avoir pu découvrir sur grand écran, parce que c'est un film qui est très matiéré, qui mélange plein de techniques et qui parle de chamanisme, enfin voilà, enfin dans en tout cas de culture première, voilà, on va ça, dire de culture ouais, première et de voilà, qui a un truc sur très fort sur la spiritualité, qui nous transmet très bien ce truc là donc voilà, c'est une sélection que j'étais ravi de pouvoir découvrir. Je vais essayer de faire vite et je vais passer sur certaines sélections, parce que sinon je pense qu'on n'aura pas le temps, donc je vais tout de suite sauter au film d'études, voilà, qui est comme à Annecy, qui est une sélection que moi j'aime beaucoup, parce que comme on l'a dit, qui nous offre plein de regards très différents, et avec à chaque fois des choses qui sont pas forcément réussies entièrement, mais en tout cas qui sont des propositions fortes. Alors pareil, je vais avoir des problèmes de prononciation, mais il y a ce film polonais de l'école de Lodz, est-ce que tu peux m'aider sur le titre ou pas du tout? Lequel? Il y en a eu plusieurs. Enfin, le film collectif. J'en suis incapable. Voilà. Spreji Polek, pardon, je suis incapable de. Voilà, donc c'est un film qui a été réalisé par les étudiantes. Ouais, étudiants. Étudiants-étudiantes de l'école de Lodz, donc en Pologne. Et donc il y a un film en réaction à ce qui se passe actuellement sur les questions d'avortement en Pologne, qui est un retour en arrière, en fait. Oui, et donc les étudiants sont mobilisés et ont fait ce film qui est très très fort, donc qui est. Comme je disais, qui peut avoir un côté un peu bancal dans sa fabrication et même dans sa construction, parce qu'il est peut-être un peu long, mais qui hurle une énergie et surtout une position politique, qui affirme de façon très très forte. Je pense qu'on sent cette énergie sur ces questions qui sont importantes. Et ça fait partie des films très très marquants de cette sélection, je trouve. Il y a des films qui sont plus fragiles, comme Anemone Temple, qui est un film qui est sur la matière, qui est très sur la sensation, qui montre des petites bêtes sous-marines, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un film de Justina Pazdan, c'est ça ? Ouais, je prononce bien. Tout à fait. Voilà. Pazdan, peut-être. Il y avait des films que j'étais content de retrouver, que j'avais déjà vus, comme Tante 113, Idoménie, qui est pareil, pas parfait, mais qui parle de migration. Et on. Dieu sait qu'il y a beaucoup de films sur le sujet récemment, mais je trouve que en fait c'est un film qui est chouette dans ses petites imperfections justement, notamment dans le récit qui est pas du tout. Enfin, parfois le personnage dit des choses qui, on dirait qu'il part un petit peu. On sait pas si c'est un truc de langue ou quoi, mais il part un peu ailleurs que de son récit. Et je trouve ça très chouette en fait d'avoir gardé ces petits moments dans ce documentaire animé. Un peu très positif aussi que j'aime. Oui, et qui est pareil. Le personnage est très. Enfin voilà, finit le film en disant je suis là, je partirai pas, je me laisserai pas faire. Et voilà, pareil, c'est un témoignage très fort parce qu'il est pas du tout dans un truc. Enfin, que je peux comprendre, hein, qui a un peu de victimisation pour des gens qui se déplacent. Je pense que c'est des gens qui vivent des choses très dures, mais effectivement là on a un personnage qui affirme très fort le fait qu'il est là et qu'il bougera pas. Et un dernier film que je voulais ressortir là, c'est A Couple on the Rooftop, The Cellular Antenna and the Metal Bird, qui est un film autour d'un poème israélien, donc de l'école de Bezalel. On avait accueilli le mois dernier Rachel Gungartz, qui sort de cette école, et donc qui est un film de Eyal Oren, et voilà, qui est un film qui est, alors les conditions de projection ont fait que moi j'ai un peu décroché du poème, mais que je l'ai pris comme un poème. Voilà, on n'avait pas il n'y avait pas de sous-titres français, en français, malheureusement, et le film allait très vite, mais en tout cas c'est un film qui m'a vraiment capté dans une atmosphère, dans l'idée d'écrire un lieu aussi. Enfin voilà. Ce genre de passé, futur, c'est comment on se place dans l'univers, mais comment on se place dans le quotidien aussi, en fait, et tout ce jeu-là. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais essayer, j'essaye toujours d'aller vite, c'est un peu dur. Donc je vais passer à la compétition. Je suis très content d'avoir revu plein de films. Oui, il y a plein de films qu'on a pu découvrir sur grand écran à cette occasion. Donc je vais passer rapidement dessus, mais Chloé Van Hersveld, dont on a déjà parlé d'ailleurs. Dont on a déjà parlé, oui, voilà. C'est pour ça que je passe très vite, mais Chloé Van Hersveld, Lisa de Bastien Duprier, LM au carré de Gilles Cuvelier, Happiness d'André Dietkoff, qui est un film que j'adore, voilà. J'avais parlé longuement au retour d'Annecy, mais voilà, que j'étais ravi de le découvrir enfin sur grand écran. Jean de Marion Envin, Ce qui résonne dans le silence, dont on vous rappelle que vous pouvez toujours le voir sur Arte. Ouais, on mettra le lien et on essaiera d'avoir Marine Blin, je pense, en septembre ou en octobre. Et Rivage, pareil, qui est particulièrement de Sophie Racine, qui était très fort à découvrir sur grand écran. Et aussi découvert sur grand écran, mais dont je voulais prendre un peu plus de temps. Moi, j'étais très content de revoir Montagne de Louis Caillé, qui prend son temps, qui développe une espèce de truc adolescent. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup son cinéma pour ça. J'ai l'impression que en animation, il y a peu de films qui parlent d'adolescence, mais avec cette bienveillance-là. J'ai l'impression que c'est toujours pour parler d'un truc un peu dérangeant, d'un truc qui gratte, d'un truc... avec Marie-Pauline, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces films un peu autour du coming of age, qui est un thème qui revient souvent, et je trouve que c'est un film qui va totalement ailleurs, là. C'est un peu pas l'anti-easter eggs, parce que j'aurais pas à dire, mais il y a un petit peu le côté, voilà, easter egg, il faut toujours qu'il y ait un côté un peu... On va mal, on n'est pas... Et là, c'est un film qui parle d'adolescence, mais qui nous parle aussi, enfin, qui le prend en mélangeant un peu les genres aussi. C'est un film qui est assez bancal, mais où il y a un moment, moi, que j'aime beaucoup, qui est ce moment où il se raconte des histoires à faire peur. Et la nuit qui suit, et qui, pour moi, qui est vraiment le cœur du film, qui est un moment qui est très très fort, qui est très réussi dans les dialogues, dans la façon dont c'est construit, et dans ce truc de on va se faire peur, mais devant les autres, on va pas montrer qu'on se fait peur, mais en fait, la nuit, ça nous fait vraiment peur. Et on a des images un peu cauchemardesques. Et je trouve ça très fort autour de ces questions-là. Et alors après, il y avait des découvertes, mais que j'étais hyper content de faire. Des petites virgules comme Attention au loup de Julien Romboville et My Exercise de Tsushi Wada. T'as mis plein de petits films comme ça aussi en sélection qui font du bien parce que c'est des petites respirations. Et là, c'est deux films que, malgré qu'ils soient pensés aussi un peu comme ça, comme des respirations, je trouve qu'il y a, il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien en fait dans leur temps très court et sont très drôles aussi, ça a très bien marché sur le public. Et alors après, dans les découvertes, il y avait Je me gratte de Cheng Huaiyang qui a eu trois prix trois jurys différents. Je suis pas le seul à l'avoir aimé ce film, mais qui a je pense qu'en plus quand on est créateur encore plus nous parle, parce que c'est un film sur notre perception de nous-mêmes en rapport aux autres et avec ces deux petites voix qui cohabitent entre la voix qui nous dit t'es vraiment nul et la voix qui dit mais t'es génial, vas-y, tu vas y arriver, tu vas faire des trucs. Enfin là, c'est des petits bons hommes qui se baladent sur son corps et qui lui disent mais non, tu vas y arriver. C'est un espèce de dialogue entre ces deux voix et qui, pour moi, qui m'a parlé un petit peu de ces moments de création, mais qui, je pense, peut parler à n'importe qui. De la vie, c'est, voilà, plein c'est, de gens, hein, c'est juste, oui. Je pense que c'est aussi pour ça que le film a très bien fonctionné, parce que t'as des jurys qui viennent pas forcément que de l'animation, et en fait, je pense qu'il parle un peu à tout le monde dans ce truc de dialogue entre deux voix. Je sais pas combien de temps il me reste pour parler de film. Il te reste moins 5 minutes. moins 5 minutes, d'accord. Ben, je parle ça juste... va dépendre de Nicolas, ce que Nicolas veut dire. Moi, j'en dirais pas trop. Donc voilà. Je parle d'un dernier film sur les courses, c'est Ghost World Meiyei de Jérôme Boulbet, dont j'aime beaucoup le cinéma, parce que je pense que c'est un des auteurs actuellement qui explore en 3D, qui fait des films d'atmosphère. Là, c'est des espèces de néons, de particules abstraites qui se baladent dans un espace, une espèce de temple. Et voilà, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. J'étais content de revoir un de ses films et de le découvrir, pareil, sur grand écran. On verra si on a un peu de temps après pour dire dans divers. Nicolas, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur... Alors, moi, je n'ai pas vu beaucoup de séances, j'ai pu en voir que deux. Donc, j'ai vu Archipel, évidemment, dont on ne dira jamais assez de bien, qui est vraiment une merveille pour moi, donc de Félix Dufour-Laperrière, le film de clôture. Et la séance compétition Clip et Plus, donc... voilà, ce qui est aussi un peu clip, film de commande et film institutionnel, etc., qui était vraiment très intéressante, avec surtout la possibilité de voir sur grand écran, et c'est ça qui est le plus important, des films qui sont quasiment tous, je pense, disponibles sur YouTube, Vimeo et autres, mais qu'on ne voit quasiment jamais sur grand écran et qui révèle vraiment quelque chose sur grand écran, par exemple. Ben, et en plus, elle était là pour le présenter à Newsday de Virgin Keaton, qui était vraiment très très beau, qui reprend d'une certaine façon un peu l'esthétique de son premier court-métrage créé contre la vie et pour elle. Et là, en lui imposant une espèce de douceur assez surprenante, justement, sur une musique qui est à Newsday, justement. Et puis, film que j'ai beaucoup aimé aussi et qui a justement, j'étais content, juste été récompensé. C'est le film de Wisława Ruta qui s'appelle Broadcaster, qui est aussi là aussi un clip très très fort avec justement qui joue beaucoup sur quelques formes géométriques très simples, le cercle, etc. Un jeu de lumière vraiment très très intéressant. Donc voilà. Et puis même si j'ai pas vu et je regrette justement surtout pour la compétition 2, parce que la compétition 2, j'ai pas vu beaucoup de films malheureusement de cette compétition là. Et puis je l'ai raté, mais rien que la compétition 3 où on a Happiness de Andrés Witkoff et Rivage de Sophie Racine, je me dis que la sélection était excellente. Voilà. Moi j'avais une question, parce qu'il y a beaucoup de films hongkongais, et je me demandais... C'est une école, tout à fait, tu as repéré, c'est une école qui est mise en directeur pédagogique, je ne sais pas si c'est directeur pédagogique, mais en tout cas, il s'occupe de la pédagogie. Et Max Attler, grand réalisateur, né en Allemagne, qui a travaillé fait le Royal College of Art, et qui est là-bas. Et qui est un peu... il y avait Serial Parallel, d'ailleurs, dans compétition, et qui s'occupe, en fait... c'est intéressant parce qu'il les envoie, et je trouvais que, puisque tu parlais de virgules, ça faisait des belles virgules. Souvent, on prend des virgules un peu, et là, ça faisait des virgules expérimentales plutôt des fois rigolotes. C'est toutefois compliqué. Bon, le film de Julien Beauville marche très bien, en effet, mais des fois, c'est compliqué. Et donc, en effet, c'est toute une série comme ça, des fois même avec la même musique, mais voir comment chacun va s'en... Ouais, là, c'est pareil. Max Attler, c'est vraiment aussi un grand réalisateur expérimental. Il serait intéressant de voir tous ses films projetés à la suite, par exemple une séance spéciale pour voir la manière dont on fera ça. Il y avait aussi en clip, il y avait aussi Invade, mais je ne sais pas si c'est de l'école aussi ou si c'est. Alors, il est, je crois, de l'école, mais il l'a fait, je crois, en dehors de l'école. Mais en effet, de Wong Menzé, pardon. Donc voilà, qui était assez incroyable aussi. Merci beaucoup. Je vais pas pardon, trop parler, évidemment, c'est un peu compliqué, surtout par rapport à ça. J'avoue que j'étais très content, comme vous, de voir la composition Clip et Plus. On les voit sur petit écran. Et c'est vrai que j'avoue que l'énergie de Lion and Tiger, par exemple, Love Angle, m'a fait beaucoup de plaisir. On dansait dans la salle. Et c'était un vrai choc, un vrai beau choc de nouveau. Alors, pareil, il y avait des choses comme Bébé, que j'aime beaucoup, voilà, du Studio Tabasco, la bande-annonce de Zagreb, de Misochili Yoliko, enfin, etc. J'avoue que c'est un grand coup de cœur pour moi, comme tu l'as dit, Nicolas, qui a été le film Broadcaster, donc d'après Squid, de Vislava Ruta. Je vous conseille de regarder tout le reste qu'elle a fait. C'était sur grand écran, ça a été... super fort, super intéressant. Je vais pas revenir, mais j'étais très content de la compétition Horizon qui montrait des choses complètement différentes. Et puis voilà quoi, donc plein de jolies choses. J'estime tout âge de revoir. C'est ce grand plaisir de voir des films. Et juste, je vais pas parler de films, mais je vais juste dire que je suis content qu'on ait employé le mot bancal. L'idée pour moi, bancal, c'est au contraire, c'est vrai que c'est très riche. C'est des films qui, des fois, voilà, vont dans tous les sens. Mais c'est ça qui est important, c'est aussi d'un seul coup. Et. Voilà, Luzka. Ou même comme un fleuve de Sandra Desmazières, par exemple, qui pour moi est pas complètement parfait. Sandra Desmazières est prête à faire son, à mon avis, son chef-d'œuvre tout le temps, et elle est prête. Et c'est une réalisatrice qui a un talent monstrueux visuellement. C'est sublime, ça y a rien à dire. Mais dans ce qu'elle veut raconter, dans ce qu'elle raconte, plus ça avance, plus elle raconte des choses en plus. Et c'est un bonheur de voir ça. Jean de Marion Vin, que j'ai redécouvert sur grand écran de manière étonnante. On regarde sur petit écran et on repère tous les, entre guillemets, défauts, ce qu'on aime moins. Et là, sur grand écran, on est pris par ça. Ce qui résonne dans le silence de Marine Blanc, que j'ai découvert sur grand écran, où j'étais, j'avais la chair de poule et les larmes, parce que d'un seul coup, de le voir enfin sur grand écran et pas sur petit écran, de voir ça, mais même, pas même, LM au carré dont tu parles, ou Lisa, son film, donc, qui fait, sont faits des fois presque pas pour les petits écrans, c'est fait pour les grands, mais sans soucier trop. Ouais. D'un seul coup, prennent un vrai plaisir. Et c'est vrai, je pense qu'on a été tous et toutes. Bien épaté par Je me gratte de Chien Croix, et voilà. Et sinon, il y avait Forget Me Not. Oui, exact. Oui, que j'ai zappé, mais qui est aussi un étudiant. Gros coup. Tu voulais dire un dernier mot? Oui, je voulais dire un dernier mot, c'est que sur la page du PIAF, vous pouvez retrouver une partie des films, notamment qui sont en ligne, parce qu'il y a une bonne partie des films que tu as sélectionnés qui maintenant sont en ligne. Tout à fait. Et voilà, je vous invite à aller les découvrir, parce que ça fait pas mal de films à aller voir. Et regardez la liste. J'arrête de regarder la liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Allez, on va essayer de le faire 17 minutes, ça va nous amener quasiment à la fin de l'émission, mais on va réussir à faire ça, on parlera un tout petit peu, tant pis, je mettrai. On va se plonger en fait dans le PIAF avec l'Acnus Dei, donc l'Acnus Dei ça y est, je vous dirai ça tout à l'heure, mais d'Accentus, donc qui est celui, mais en entier cette fois-ci, 7 minutes. Anna von Hausloff, qui travaille aussi avec Jan Tiersen, c'est superbe, et là, elle avait Sacro Bosco en compétition, et là, c'est un petit morceau qui est rapide, et... Le lac a gelé devant nous, qui est un groupe qui s'appelle Feudoux, c'est les gens qui ont fait la musique d'Archipel, et malheureusement j'arrive pas à avoir la musique, j'essaye de demander à Félix Foulapéra d'avoir la musique, mais en tout cas ils ont fait un album, je vous conseille Feudoux, c'est super beau. On écoute les trois prochains morceaux. Ariel, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc Bulderay, voilà ce long moment, 17 minutes, j'espère que vous appréciez ces longs moments, ça change un petit peu tous ces moments, ce qui n'empêche que comme d'habitude avec Bulderay, vous loupez tous ces moments où on parle de manière, voilà, avec Archipel, très beau débat sur Archipel. J'espère qu'un jour on pourra l'avoir devant les micros, ça veut dire que le film sort, ou que le film passe de nouveau, et ça serait vraiment bien. On avait dit qu'il y aurait une petite partie d'hiver, je vais créer un site internet très, très rapidement pour Bulderay, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions, et on mettra tous les liens. Ce sera plus facile, on mettra ça sur aussi Radio Libertaire plutôt que The Web Anime, c'était un peu compliqué. Là, on va faire un vrai site Bulle de Rêve et vous pourrez récupérer tout ça, notamment tous les liens. Moi, je voulais vous donner pas mal de liens pour la fin et vous parler un peu de Zagreb. Je vous reparlerai d'un lien, donc. Vous avez plein de liens, en effet, comme disait Antoine, sur la page Facebook, hein, pour l'instant, mais encore une fois, là, notamment Ce qui résonne dans le silence, mais vous tapez Ce qui résonne dans le silence, Arte, et vous tombez facilement, ou Marine Blin. Regardez aussi tout le travail, donc pardon, de Wisley, je vais pas le prononcer, de Wisleva Ruta, W-I-E-S-L-A-W-A, Ruta, R-U-T-A, qui travaille beaucoup tout ce travail de la matière comme elle peut, donc dans Squid Broadcaster. Il y a pas mal de choses qui vont arriver aussi. Le cinéma japonais, il y a la MCJP, donc Maison des Cultures du Japon, qui propose des vidéos, une sur le cinéma japonais, la conquête du monde, donc c'est après Rashomon et qu'est-ce que ça a amené, donc c'est pas que de l'animation, et une d'Ilan Nguyen, grand spécialiste du cinéma d'animation japonais, qui propose une histoire du cinéma d'animation japonais. Alors je crois qu'elle fait 14 minutes, donc j'imagine ce qu'Ilan a dû faire en 14 minutes, il était venu ici pendant 4 heures nous raconter tout ça, donc voilà, mais en tout cas c'est intéressant. Je vous mettrai aussi un lien sur Les Lendemains Souhaitables, qui est une conférence que j'ai eu la chance d'animer, mais c'est pas pour ça, mais sur plein de... qui vient du FICAM et de Meknès, sur École et Résidence, par exemple, deux actions complémentaires, mais aussi de l'autoproduction et une filière indépendante, où on avait notamment Gilles Cuvelier, Florentine Grelier, des gens qui nous parlent un peu de comment ils travaillent, donc intéressant. Je vais vous proposer 3 films pour finir, et je vous parlerai un tout petit peu de Zagreb. Je vais vous parler de 3 films qu'il faut absolument... Allez, un film qui est sympa de voir, Kids, de Michael Frey, vous tapez Michael Frey, F-R-E-I, Kids, comme enfant, Kids en anglais, qui nous amène une espèce d'oubli, enfin voilà, où tous les gens font la même chose, et qui nous parle aussi un peu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire finalement, ben, on va tous dans le même sens, et on ne se pose plus de questions en tant qu'individu, mais plutôt en tant que groupe. Et 2 films qui devraient vous plaire normalement encore plus, alors là, si vous aimez l'animation, et si vous aimez... voilà, si vous êtes sur Radio Libertaire aussi, parce que, voilà, pour des vraies convictions politiques. Le Marcheur de Frédéric Henault, qui est en ligne, superbe film sur quelqu'un qui, d'un seul coup, décide d'abandonner son travail dans une horrible usine qui tue des poules. Enfin, voilà, ce qu'on a aujourd'hui, qui, d'un seul coup, décide de marcher, de partir. Frédéric Henault, c'est H-A-I-N-A-U-T, Frédéric Henault, Le Marcheur. Regardez, c'est un film extraordinaire sur ça. Et un autre film qui s'appelle How to Disappear by Total Refusal, donc désolé, le nom est un peu plus long, qui est un film anti-guerre sur un jeu vidéo qui s'appelle Battlefield, où on ne peut pas déserter. Et donc ça pose la question de la désertion et de se dire qu'en fait, dans un vrai monde, on pourrait déserter, et que là, dans le jeu vidéo, comme par hasard, on ne peut pas déserter et qu'on est obligé de faire la guerre. Et c'est un absolument passionnant. C'est en anglais, malheureusement, sous-titré en anglais, donc pour ceux qui ne comprennent pas en français. Mais le film est très, très, très intéressant sur tout ce qui est jeu vidéo. Et je suis un grand fan de jeux vidéo, mais de guerre aussi, et qui nous oblige à faire la guerre. Voilà, tout ça, je mettrai ça en lien, ne vous inquiétez pas. Et en plus, que tu me posais la question très rapidement par rapport à Zagreb, et j'en donnerai juste un ou deux mots. C'est vrai que Zagreb est fascinant, AnimaFest qui vient juste avant Annecy, et Annecy, c'est un peu Cannes, et donc avec tous les côtés absolument qu'on adore, de voir plein de gens, de voir plein de choses, et on adore Annecy pour ça. Et puis, le côté des fois un petit peu agaçant, comme tu dis, de vouloir plaire à tout le monde, comme Cannes veut plaire à tout le monde et va prendre Belle de Mamolo Hosoda, alors qu'il pourrait prendre sûrement un autre film beaucoup plus barré qui pourrait y avoir, etc. Archipel qui n'avait pas pris l'année dernière ou des choses comme ça, avec plein de choses absolument incroyables en effet dans la sélection, des films comme Nightbus qui a eu le grand prix, ou Prince in the Pastry Shop qui est un film polonais, voir un film quasiment prise de vue continue, The Moon, nouveau film de Tomek Popakul, qui est pas forcément génial, mais qui est super intéressant dans ce qu'il amène, pas mal de choses, We Were a Sterile Bomb, d'un réalisateur que je vous conseille, qui s'appelle, j'ai fait le pauvre l'appeler Dario Moreno, Et c'est pas tout à fait comme ça, donc c'est pas comme le chanteur d'Ava Moreno, mais c'est quasiment comme ça qu'un réalisateur israélien, Dotan Moreno, et qui parle beaucoup de coming out dans ses films, et donc qui parle de l'homosexualité, notamment en Israël. C'est passionnant, vraiment. The Raft, le dernier film de Mestrovitch, grand réalisateur croate. Marko Mestrović qui a fait des choses incroyables, et The Raft, c'est avec son groupe, ça nous fait penser un petit peu à Rosto, et voilà, ce groupe qui avance, c'est une espèce d'apocalypse totale. Plein de films, alors là on est vraiment dans le bancal, mais qui sont absolument passionnants, et j'aimerais juste finir parce que je pense que j'aimerais vivre dans ce monde là il y aurait plein d'autres choses, hein, quand je pourrais vous dire, c'est Ottawa Moulet, donc qui est une version qui est quelque chose en VR. J'ai jamais compris vraiment la VR, enfin je regarde un petit peu ou quoi, mais qui est d'une réalisatrice qui s'appelle Yuliko Mizushiri, qui est une réalisatrice japonaise qui a fait Futon, et c'est juste un bonheur où c'est de la VR, on a juste à récupérer des flancs qui tombent du ciel et ensuite qui tombent dans l'oubli, ce genre de choses, et c'est juste, enfin voilà, c'est ce genre de monde dans lequel on aimerait vivre, ou en tout cas Zagreb est un festival qui est passionnant parce que c'est évidemment à plus petite échelle et on peut rencontrer du monde et plus de choses un petit peu plus barrées, on va dire, voilà. On vous reparlera peut-être de tous ces films. On vous en parle pas trop, parce que souvent des films qui sont pas évidents à voir. Mais on fera des petites listes qu'on mettra sur le site pour pourquoi pas, en espérant que ça passe. On va espérer que l'émission d'après n'est pas là. C'est pas bien, mais en tout cas voilà, parce qu'on avait encore une dizaine de minutes avec une reprise particulière. Je vais laisser Nicolas en parler, et deux morceaux dont je laisserai parler Antoine un tout petit peu. On vous souhaite un super été, plein de bonnes choses, profitez-en, il fait pas très beau, mais voilà, dans d'autres pays il fait meilleur que ça, et on se retrouve en septembre avec peut-être une émission un petit peu différente, où on mettra un peu plus de news, et on tentera d'avoir quelques petites thématiques comme ça. Mais voilà, donc on finit, Nicolas, avec cette reprise étonnante. Alors, une reprise de Voyage Voyage de Desireless par une chanteuse autrichienne qui s'appelle, enfin, dont le nom de scène est Soap and Skin. Et en fait, c'est tiré de son deuxième album, ça a déjà 9 ans maintenant, qu'elle a écrit juste après la mort de son père. Donc, on est encore dans quelque chose. Boucle assez, quelque voilà. chose, voilà. Et c'est une chanteuse qui a plus l'habitude de faire une musique un petit peu expérimentale, folk, par moments un peu électro, mais là, on est quand même vraiment dans une reprise avec un accent à couper au couteau, une voix grave encore assez particulière. C'est assez intéressant et c'est assez inattendu, surtout par rapport à notamment Desireless. Et pour ceux, certains la connaissent peut-être, Soap and Skin, parce que elle fait, en fait, c'est elle qui fait les voix sur la chanson qui ouvre la série Dark. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Apara, qui s'appelle Goodbye, et c'est elle qui chante sur Goodbye de Apara. Voilà. Super. Apara qui sera en concert en septembre à Paris d'ailleurs. Et Antoine, moi très rapidement, c'est plus classique, le premier, mais le premier, c'est Alain Bashung avec Les Salines. Voilà, je ne vais pas vous le présenter, vous connaissez tous Alain Bashung. Et donc c'est tiré du dernier album là. Donc qui n'est pas une reprise, mais c'est Raphaël qui avait écrit, des morceaux qui n'avaient pas été choisis finalement. Voilà, donc c'est un morceau qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute. Et je voulais vous mettre un peu en générique de fin un morceau de Yann Tiersen de son dernier album aussi, qui s'appelle Aon, le morceau, et qui mélange voix, il y a quelque chose d'un peu bruitiste, enfin voilà, vous allez entendre tout ça. Ce qui est exceptionnel avec Yann Tiersen, juste, c'est de voir à quel point on sent qu'il veut aller dans, pas dans l'anti Amélie Poulain, mais en tout cas qu'il veut aller vers... Mais en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant, moi, je trouve, dans cette musique, hein, où on retrouve des mélodies qu'on connaît, mais en allant effectivement chercher des univers sonores très très différents. Là, sur ce dernier album, c'est assez évident, ouais. Merci à vous deux. Merci beaucoup à Ariel qui était derrière la console. Et on espère donc qu'on peut écouter ça. Et on se retrouve à très vite. Bon été. À très vite. Bye bye. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel humour. Espagnol plus d'équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. au-dessus des capitales, décide fatal. Regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours, voyage dans l'espace. Sur l'eau sacrée d'un fleuve en lien, voyage, et jamais les réviens. Sur le Gange ou la Maçon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, Fiji ou Fushihama, voyage, voyage, ne t'arrêtez pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours, voyage dans l'espace inouï de l'amour, voyage sur l'eau. Je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Et je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent. Et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel. Et j'implore le pardon. Il dit je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.